bronzée comptée. Heureusement, une femme qui peut être satisfait. Nous deux, toujours bien. Elle regardait passer. Cet ennui angoissé. Sur si pourrait s'achever en avoir tout essayé, en avoir tout recherché, tout détenu. En avoir tout perdu, perdu. Tant que j'ai compté, prisonnier de nous-mêmes, nos faux rêves de liberté. Que d'un quelconque système. Elle regardait passer, vouloir gagner. On se révolte contre soi-même, sans espoir de voir changer les rêves. Sur si pourrait s'achever, en avoir tout établi, en avoir tout changé, tout appris, en avoir tout oublié, oublié. Temps et compté, oublier le souvenir, que le malheur ne saurait punir, et changer en regret. Regarder passer. Vouloir gagner, tu pourrais m'accompagner, mon cœur s'enflammer. Sur si pourrait s'achever, on ne sait. On the same.